Bonjour, je vous propose une émission qui avait été diffusée pour la première fois le 2 avril de l'an de grâce 2011 et qui s'intitule « Nostradamus, surmonter les angoisses du monde » avec Denis Crouzet. Le savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être à cap depuis le 18 juin. Nous aurons ce Nostradamus. Est-il vrai qu'il fait de l'or? Est-il vrai qu'il sait comment chacun de nous doit mourir? Nous le verrons à l'œuvre. Je lui ai fait donner l'ordre d'être ici à 10 heures. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour, comme vient de nous y inviter le roi Henri II au cœur de notre générique, voici Michel de Notre-Dame, dit Nostradamus. Nostradamus qui vécut de 1503 à 1565, médecin, astrologue et poète, et qui a laissé derrière lui des prophéties qui l'ont installé pour des siècles, et jusqu'aujourd'hui, au cœur de l'imaginaire et des angoisses des sociétés successives. Ces prédictions n'ont pas cessé de nourrir, de génération en génération, les élucubrations les plus folles des marchands d'apocalypse. Et voici que la peur du nucléaire, que fait naître le drame japonais de Fukushima, drame japonais et à vrai dire universel, ouvre un champ plus large que jamais à ces annonces terrifiées de la fin d'un monde, sinon de la fin du monde. Nul n'empêchera jamais personne de fantasmer sur les centuries, ces quatrains de Nostradamus, toujours suffisamment obscurs pour se prêter, et c'est sûrement le premier ressort de leur formidable prospérité posthume, se prêter à toutes les interprétations permettant d'affirmer qu'ils se trouvent ratifiés après coup par les événements les plus divers et les plus inattendus. Mais par-delà cette sorte de jeu intellectuel, plus ou moins sincèrement distancié, il est bien plus intéressant, pour scruter le temps de Nostradamus comme le nôtre, de voir en lui le révélateur de sensibilités collectives hantées par des inquiétudes récurrentes, par des images de déchirement, de mort, d'agression, incarnées dans ce bestiaire qui peuple ses prophéties, les aigles, les sangliers, les léopards, les serpents. Et tel est précisément l'éclairage que nous propose mon invité ce matin, Denis Crouzet, professeur à la Sorbonne à Paris 4, spécialiste des guerres de religion et des pratiques de violence à la Renaissance, dans la biographie qu'il consacre à cet impressionnant, à cet énigmatique personnage. Je dois vous le dire, je ne sais pas comment vous le prendrez. Pourtant c'est trop prolongé mon martyre, et j'ai l'espoir que vous comprendrez. Car mon amour me conduit au désastre, et je vous implore vainement. Alors j'ai voulu consulter les astres, pour découvrir la fin de mon roman. Le dénouement. Un astrologue m'a dit, c'est Vénus tout entière à sa proie attachée, qui du ciel tient les fils de votre destinée. Votre jour est le vendredi. Un astrologue m'a dit que ma bonne étoile, c'est vous. Deux astrologues m'ont dit, Jupiter cher, un amour vous a fait ambitieux. C'est Saturne parfois qui vous rend silencieux, et c'est Mars qui vous enhardit. Deux astrologues m'ont dit que ma bonne étoile, c'est vous. À ce langage, moi je n'ai rien compris. C'est trop savant pour nous. Mais je m'étonne car ils ont tous surpris mes sentiments pour vous. Trois astrologues m'ont dit: vous aimez une femme indécise et troublée, c'est la lune qui veut qu'elle change d'idée, et du soir au matin ses avis. Et tous en cœur ils m'ont dit: pour dénouer ce problème, nous savons qu'elle vous aime et sera votre un de ces jours. Puisque le ciel le dévoile, croyons à l'étoile d'amour. Denis Crouzet, bonjour. Bonjour. C'était Un astrologue m'a dit, d'une chanson de Paul Misraki, interprétée par André Dassary, qui était accompagné par Ray Ventura et ses collégiens, une chanson de 1938. J'ai choisi de commencer par les aspects les plus tendres, peut-être les plus soft de l'astrologie, Denis Crouzet. J'emploie à dessein le mot soft parce que on s'aperçoit que Nostradamus est connu universellement et pas seulement en France et dans le monde anglo-saxon, il a beaucoup de succès. Nostradamus est la grande figure de l'astrologie parce que depuis la fin du XVIe siècle, il a sans cesse été retravaillé, réadapté, réajusté aux nouvelles conditions temporelles, événementielles, et a été perçu de façon comme infinie, comme une source de connaissances pour l'avenir, mais adapté au présent. Une sorte de souplesse qui explique aussi son succès. La souplesse vient de l'extrême fluidité des mots, de l'impossibilité qu'il y a à fixer le sens, et donc du fait que le sens est applicable à tout événement qui peut arriver. Dès la fin du XVIe siècle, il est capté par les propagandistes du bon roi Henri IV, qui trouvent dans les centuries l'annonce de la venue d'un grand monarque, qui va, après un déluge de feu, pacifier le monde. Et ce prince qui vient est identifié en Henri IV. Et la pacification à laquelle procède Henri IV s'intègre dans une réalisation du discours nostradamien. L'obscurité, en somme, est un gage de succès, en l'occurrence. Exactement, et c'est elle qui pose problème historiquement. Qu'est-ce que vraiment Nostradamus a voulu dire dans ce discours qui résiste en permanence à la fixation du sens? Je comprends que vous êtes beaucoup promené sur la toile, sur Internet, pour aller rechercher ces derniers temps toutes les traces de Nostradamus, tous les usages qui ont pu en être faits. Et d'une certaine façon, Internet est aussi efficace pour la notoriété, le rayonnement contemporain de Nostradamus que a pu l'être l'imprimerie au temps des guerres de religion, au XVIe siècle, le temps de Nostradamus. Je pense que l'imprimerie, comme outil de modernisation, à ce paradoxe, depuis les années 1460, d'avoir permis le développement de cette irrationalité à nos yeux qu'est l'astrologie, parce que jusqu'alors l'astrologie était enfermée dans les milieux de cour, le prince avait un astrologue pour l'aider dans ses décisions, elle était enfermée aussi dans les couvents et monastères où travaillaient des moines, mais par l'imprimerie elle devient un phénomène de culture collective. Et on peut expliquer par là l'extraordinaire succès de Nostradamus. Les rééditions se suivent jusqu'à encore aujourd'hui. Et Internet n'est qu'un relais dans cette fascination, puissant relais d'angoisse, d'identification du mal, de délire, puisque on peut voir aussi bien George Bush découvert dans sa politique néfaste à l'égard de tel pays. Ah bon, Nostradamus a inspiré George Bush, ça c'est très... c'est au passif de Nostradamus. C'est le mal qu'incarne, par exemple, pour l'Iran, Nostradamus, lorsqu'il y a eu des difficultés entre l'Iran et les États-Unis. C'est dans Nostradamus que certains sites l'ont trouvé. D'ailleurs, j'observe que Nostradamus ayant parlé de croisade, comme Monsieur Guéant d'ailleurs récemment, que Nostradamus ayant parlé de croisade, il a pu servir récemment au tenant de la doctrine du choc des civilisations, du Huntington. Absolument, absolument. On a des sites fondamentalistes américains qui utilisent Nostradamus pour appeler à la destruction de l'islam. C'est tout à fait frappant, hein, avec une recherche constante, puisqu'il s'agit d'adapter au présent. Vous avez repéré Nostradamus également en Inde, en Chine. Enfin, il n'y a pas de lieu de la planète où il n'est pas présent. Il n'y a pas de frontière pour l'usage de Nostradamus et l'enclenchement d'un discours panique, apocalyptique. La fin du monde. La fin du monde. Alors, Nostradamus a des aspects positifs. Pendant la Révolution française, comme dans l'épître au roi Henri II qui précède les présages de Nostradamus, il est question d'une année 1792 qui verrait une ère de paix et de bonheur s'ouvrir. La fin de la royauté en 1792 est glorifié à travers l'annonce de Nostradamus. Il a prévu la République. Toute l'époque napoléonienne est aussi nourrie de prophéties de Nostradamus. Il est le grand monarque, celui qui va unifier le monde. Le grand feuilletoniste Michel Zévaco, qu'on a réédité récemment, et qui met en scène Nostradamus dans un roman du début du XXe siècle, imagine en particulier sa visite à Henri II, et magnifie cette visite, alors qu'en réalité, il semble, nous allons le voir, que ça ne s'est pas très très bien passé. Ça a été très rapide sans doute, mais Nostradamus fait partie de ce romantisme, de ce post-romantisme qui voyait dans les astrologues ceux qui permettaient aux grands d'agiter leurs fantasmes de mort, de destruction, de filtre, empoisonnement. Et l'actualisation de Nostradamus est vraiment patente dans les années d'avant Deuxième Guerre mondiale. Pour illustrer ce genre d'actualité de Nostradamus, ressurgissant toujours comme le phénix de ses cendres, réapparaissant sous toutes les formes, écoutez cet extrait d'un documentaire qui s'appelle Nostradamus 2012 de James Lurie, qui est de 2009 et qui évoque la découverte d'un livre illustré qui serait attribué à Nostradamus en 1994 à la Bibliothèque nationale, non pas de France mais de Rome. C'est plus émouvant encore. Et ces dessins apocalyptiques annonceraient de grands bouleversements en 2012. J'espère néanmoins que notre émission continuera d'exister, de durer et de prospérer l'année prochaine. Enfin, écoutez. Récemment, on a découvert un livre de Nostradamus où figurent des dessins susceptibles de comporter des indices codés des événements de 2012. Comme les quatrains de Nostradamus, ces dessins sont de sinistres avertissements et la réputation de ce prophète nous empêche de les ignorer. Souvent, devant l'incapacité de la science à répondre aux grandes questions de notre époque, les gens se tournent vers le passé. Vers les voyants du passé comme Nostradamus. Notre planète connaît des crises d'une complexité alarmante. Pénurie de pétrole, espèces en voie d'extinction, tsunamis dévastateurs, chaos économique et menaces nucléaires. Simple coïncidence ou déploiement de quelque chose de plus menaçant. Le documentaire, je vous le rappelle, est de 2009 de Nick Rouzet. Ces dessins s'ajoutant aux quatrains sont imaginaires ou non? Ces dessins existent. Le seul problème, c'est qu'ils ont été identifiés comme étant de facture allemande et n'ayant rien à voir avec Nostradamus lui-même. Ce sont de beaux dessins colorisés. On peut les trouver sur Internet. On trouve tout, décidément, sur Internet. En cherchant bien, entre autres, on voit, par exemple, les clercs et le pape précipités vers une mort certaine. Ce sont des dessins, sans doute, de facture luthérienne contre l'Église, en partie. Alors, avant de réfléchir sur les ressorts du succès de Nostradamus depuis le XVIe siècle jusqu'à nos jours, je voudrais, Denis Crouzet, que vous restituiez pour nos auditeurs la vie de ce personnage, son itinéraire. Une vie qui, d'ailleurs, est encore entourée de certains mystères. C'est la moindre des choses pour Nostradamus. Oui, on n'a que quelques informations ponctuelles. Premier point intéressant, c'est qu'il appartient à une famille de néophytes, de nouveaux convertis. Son bisaïeul a délaissé la religion juive pour le christianisme dans les années 1440. De la sorte, la famille s'est mise sous la protection de Notre-Dame, sous l'invocation de Notre-Dame, comme c'était fréquent chez les nouveaux convertis. D'où son nom. Michel de Notre-Dame. Notre-Dame. Alors, à l'origine, le bisaïeul était marchand d'huile, de vin, et il y a eu ensuite une forme progressive d'ascension sociale jusqu'à Michel de Notre-Dame, qui naît en 1503. Dont on sait que vers 1524, il acquiert le titre, le grade de bachelier en médecine. Il est né à Saint-Rémy-de-Provence. À Saint-Rémy-de-Provence, oui. Voilà. Avant d'aller prendre ses grades de docteur en médecine à la faculté de médecine de Montpellier. Qui était la plus réputée à l'époque, probablement. La plus réputée. Entre 1529 et 1532, avec une possibilité sur laquelle on ne sait rien, on sait que Rabelais a lui aussi fréquenté la même faculté vers 1530. Se sont-ils connus ? On ne peut pas le savoir. Je livre l'idée à quelqu'un qui aurait envie de mettre sur la scène un dialogue imaginaire entre Rabelais et Nostradamus. Je crois que ça a déjà été fait. Ah, tant pis, alors je ne livre l'idée à personne. Au XVIIIe siècle. Déjà ? Ah oui, ouais. Ah oui. Mais... Eh bien, nous mettrons sur notre site la référence à cet écrit, si vous nous aidez à le dénicher, à le débusquer. Ensuite, il a une période errante. Il est médecin à Agen, on le retrouve à Montauban, à Bordeaux, à Aix, où en 1546, il participe vraiment... payé par la municipalité pour guérir les malades d'une peste terrible qui... Un grand risque pour lui, naturellement. Un grand risque. Et son fils, César de Notre-Dame, raconte comment, avec une mixtion de poudre d'iris et de clous de girofle, il aurait réussi à soigner les malades de la ville qui décédaient dans des conditions épouvantables. Il y a un récit racontant que les parents abandonnaient les enfants par peur de la mort. Donc hommage au courage de Nostradamus, qui commence sa carrière comme médecin des corps avant de devenir médecin des âmes, au fond, parce que ses prédictions, il ne les produit que tard, au seuil de ses 50 ans. Et avant, il s'occupe de soigner. Et puis, il y a cet aspect intéressant qui est le côté, gastronome chez lui, puisqu'il propose un traité des confitures que le vaillant éditeur Imago vient de republier. Traité des confitures, ça c'est surprenant. Il publie, la première édition est sans doute de 1552, un traité des phares auquel est adjoint un traité des confitures. Phares, F-A-R-D-S. Pour entretenir la beauté des femmes et donne des recettes. Et puis deuxième versant de ce livre, le traité des confitures, où il décrit toute une série de recettes pour parvenir à transformer ce qui est un produit naturel, le fruit, en un produit qui a une vertu thérapeutique. Les confitures au XVIe siècle s'apparentaient à des sortes de pâtes de fruits et était perçu comme pouvant soigner les corps. Ça chasse la mélancolie et ça maintient l'homme, dit-il, en une perpétuelle joie et allégresse. Je ne suis pas mécontent de montrer que cet homme dont l'œuvre est tout de même marquée de beaucoup de drames, très sombres, de drames, c'est l'œuvre au noir, comme dirait Marguerite Yourcenar, que je salue toujours par parenthèse, parce que c'est elle qui est dans notre générique. Donc l'œuvre au noir, c'est... Et puis de l'autre côté, il y a cette imagination, ces recettes, ce sirop rosa laxatif, remarquable. Malheureusement, j'ai pas eu l'idée de vous demander de le préparer avant d'arriver à ce micro, mais peut-être pour la prochaine fois. Quand j'aurai du temps, j'essaierai. Il faut se procurer les ingrédients qui ne sont pas faciles à se procurer. Il y a des roses rouges, ça c'est assez facile. Une once de bonne rhubarbe, un soupçon de cannelle, 15 grains d'épinards. Grains d'épinards, il faut se hâter de les procurer. Ça ne doit pas être si difficile que ça, mais c'est l'aspect curieux de Nostradamus de vouloir soigner à travers une nourriture les corps et les a simultanément. Ça, c'est le passage essentiel. C'est le passage parce qu'il est un médecin ayant fréquenté le corpus hippocratique et un médecin pour qui il y a d'abord la description des symptômes de l'affection et ensuite le pronostic permettant de soigner l'affection pour que le corps revienne à son intégrité. C'est important du point de vue des rapports avec le temps. Hippocrate, c'est le grand médecin de l'Antiquité. L'idée est qu'il faut commencer par revenir en arrière pour pouvoir analyser le présent et préparer l'avenir. D'ailleurs, ça pourrait être une sorte d'épigraphe pour notre émission. Et c'est une grille pour permettre de comprendre les prophéties elles-mêmes. Parce qu'on a beaucoup remarqué que les prophéties intègrent des données historiques du passé. C'est comme si il partait du passé pour décrire les symptômes d'un mal qui traverse le monde et qui est encore présent puisque le passé peut se reproduire et qu'il donne la recette pour revenir vers un état de paix, de sérénité qui serait l'état de l'homme fidèle à Dieu et à l'amour que le Christ a instauré sur terre. Cela pose la question de l'éventuelle pensée cyclique chez Nostradamus. Est-ce que c'est linéaire jusque vers le jugement dernier, la catastrophe, ou au contraire, est-ce que c'est le monde de l'éternel retour ? C'est le monde de l'éternel retour. Non seulement les événements, les faits ont déjà eu lieu et peuvent recommencer, mais le monde est sectionné en une série de durées qui verront ce cataclysme de feu recouvrir la terre et ensuite un recommencement. Nostradamus, là, est un représentant d'une culture astrologique qui, au même moment, en Allemagne, atteint son point de perfectionnement autour de Mélenchon. On ne peut pas être médecin à l'époque sans être astrologue, en réalité. Il y a l'influence de Paracelse qui est un grand personnage du temps qu'il rencontre et qui l'influence et qui nous introduit vers un autre aspect de l'œuvre de Nostradamus, c'est-à-dire microcosme, macrocosme. Ce sont des déterministes, si on veut employer un terme. Dès la naissance, les astres influent sur les destinées et pour connaître donc les destinées, il faut lire le ciel. Paracelse, c'est un des grands médecins de la première moitié du XVIe siècle. Voilà, écoutons cet extrait de son œuvre, le Paragranum, qui est lu par Claude Métra, si cher au plus ancien auditeur de France Culture. Claude Métra dans L'autre scène où les vivants et les dieux, sous le signe du scorpion, une archive qui remonte au 31 janvier 1977. De Paracelse dans le Paragranum. Il n'y a pas en tous les hommes un même ciel, et celui-ci est en chacun de nous particulier, indestructible, totalement, uniquement présent. Aussi la vie des hommes ne suit-elle pas le même cours. Tous les hommes ne meurent pas ni ne sont malades en même temps. Chaque ciel particulier doit exercer une action particulière. S'il n'y avait qu'un ciel et qu'un mouvement céleste, il n'y aurait qu'un seul homme et qu'un seul ciel. Et tous les hommes seraient malades et ils recouvreraient la santé en même temps. Cette uniformité est inexacte. Elle est brisée au moment de la naissance céleste. L'enfant, au moment de la conception, hérite en effet d'un ciel particulier. Si tous les enfants naissaient au même lieu, il n'y aurait qu'un seul ciel, qu'un seul mouvement céleste. Sachez que le grand ciel influence le ciel de la naissance d'une merveilleuse façon. L'on pourrait en fait penser qu'il est impossible, puisque 10 000 enfants naissent chaque jour, que chacun ait son propre ciel, aussi différent l'un de l'autre que l'Orient de l'Occident. Or, sachez que comme l'arbre qui se développe et qui pousse, grandit et s'allonge sans cesse de terre à partir de sa graine, la durée des heures augmente de la terre jusqu'au ciel. L'arbre est beaucoup plus gros que la graine. L'heure astrale, elle, est beaucoup plus longue que l'heure terrestre. Et les minutes et les heures terrestres correspondent dans le ciel à plus que des mois entiers. Voilà la cause de cette réalité merveilleuse et surprenante. Cette réflexion sur le temps vous paraît moderne, Denis Crouzet ? C'est un texte magnifique, extrêmement parlant de cette astrologie qui pensait que tout dans la vie humaine était déterminé dès avant la naissance, puisque l'on dépend de parents eux-mêmes dépendant des astres, et que à partir de la connaissance des astres, on peut influer sur sa propre vie par le truchement de ceux qui connaissent les mouvements des planètes et le ciel astral, les astrologues. Donc, pas étonnant à ce moment-là que Catherine de Médicis, inquiète en fonction des circonstances politiques du royaume, avant la mort même de son mari, ait voulu, semble-t-il, connaître pour ses fils leur durée et fait faire des horoscopes par Nostradamus. En 1564, lors du grand voyage qui fait descendre la cour jusqu'en Provence, il y a deux rencontres avec Nostradamus. Il aurait annoncé longue vie au petit Charles IX, dont on sait qu'il meurt en 1574 en crachant du sang. Mais enfin, ça a délivré la reine de son angoisse, en tout cas à court terme. Parce que au même moment, il y avait des contre-prophéties qui circulaient, annonçant que les enfants issus de l'union de Catherine et d'Henri II étaient tous voués à une mort certaine, dont le jeune François II avait été effectivement la victime. Donc, il n'a régné que quelques semaines. Il n'a régné que quelques mois, et Catherine de Médicis est allé voir Nostradamus, sans doute pour stabiliser la situation, aussi l'imaginaire collectif, créer un contre-discours astrologique. Ça pose la question qui est toujours, me semble-t-il, au cœur des relations entre l'astrologie et le pouvoir, c'est la question de la détermination par les astres, de la latitude d'action que cette détermination offre néanmoins à une volonté lucide et résolue. Catherine de Médicis n'est pas un apax. Hein. On sait que un certain nombre de dirigeants politiques récents ont consulté des astrologues pour prendre des décisions. Mais le lien entre Catherine de Médicis et Nostradamus est intéressant parce que Nostradamus lui-même appartient à une sensibilité religieuse de ces années 1560 qui est sans doute assez proche de celle de Catherine de Médicis. Il est un homme de l'entre-deux, sans doute fortement influencé par le luthéranisme, par l'érasmisme. Et Catherine de Médicis est une princesse de paix qui cherche la paix entre les factions sanglantes huguenotes et catholiques. Et elle a eu certainement des points d'accord avec cet astrologue qui était effrayé par les horreurs, qui a lui-même été victime en 1560 dans un salon de Croc, des bandes de cabans, c'était des paysans et des artisans de la ville, le mettent en danger parce que il est soupçonné de luthéranisme et il a été sous le choc de cette agression lui-même. Donc il y a une corrélation entre les deux personnages qui explique leur rencontre. Oui, vous nous poussez à rappeler, et c'est indispensable, Denis Crouzet, l'atmosphère d'inquiétude, pour ne pas dire d'angoisse, qui a pesé sur cette France de la seconde moitié du XVIe siècle, et qui d'ailleurs s'enracine probablement plus loin en arrière. Cette mécanique, comme vous dites, d'affolement des subjectivités, où l'individu angoissé est pris dans la tourmente des signes. Depuis les années 1480, il y a un imaginaire noir, sombre, incluant les prophéties, qui s'est hyper développé dans le royaume de France, et aussi porté en avant par les prédicateurs de l'Église romaine. Non seulement on pensait que le monde était près de sa fin, devait durer depuis la création 6500 ans, donc il était près de sa fin, donc le jugement dernier était imminent. À travers quoi va se réaliser le jugement dernier? L'Apocalypse. Donc les signes qui sont décrits dans l'Apocalypse, la guerre, la famine, la mort, la destruction par le feu. On peut observer qu'aujourd'hui encore, quasiment d'année en année, il y a des gens qui trouvent des oreilles attentives quand ils affirment que cela va être très vite la fin du monde. Évidemment, ils s'appuient sur les angoisses que peuvent faire naître. On a peut-être même un retour cyclique de cette angoisse. L'angoisse nucléaire, évidemment, il contribue à y pourboire. La certitude que les temps sont courts faisait qu'on lisait ce qui se passait sur Terre et au ciel comme les signes apocalyptiques. Toute une littérature de petites brochures de grande circulation dépeignait les tremblements de terre, les tempêtes, les comètes au ciel comme des signes de la fin du monde, parlant de la colère de Dieu en instance d'advenir, colère contre des hommes eux-mêmes, signes du mal croissant, puisqu'ils avaient abandonné Dieu en se livrant à la sorcellerie, à l'hérésie. Les hommes eux-mêmes parlaient du mal et de la fin des temps. Donc il y a une littérature et une parole de culpabilisation extrême qui est une capacité d'angoissement totale. En 1545, en Normandie, après un immense orage, une pluie, on croit que la fin des temps est en train de se passer. On a un témoignage. On va avoir en 1583 des processions de la fin des temps. C'est un peu plus tardif, où les gens vont s'habiller de blanc pour aller dans les grands sentiers Mario, demander pardon ultimement, puisque tout peut arriver, le Christ peut revenir pour le jugement dernier à tout moment. Aujourd'hui, ce serait l'idée que la science ou les techniques qui ont été développées par les hommes risquent de leur échapper, le côté marteau sans maître. Voilà. Mais je voudrais vous conduire un instant à un autre moment où l'angoisse avait quelques motifs de se répandre. Je veux dire, juste avant la Seconde Guerre mondiale, avec cette chanson de la grande Damia qui évoque la folie des hommes. Nous sommes maîtres de la terre, nous nous croyons des presque dieux, et pan, le nez dans la poussière, qu'est-ce que nous sommes, des pouilleux. Et là-haut, les oiseaux qui nous voient tout petits, si petits, tournent, tournent sur nous, et crient au fou, au fou. Nous nageons tous dans la bêtise et l'on invente des drapeaux. On met des couleurs aux chemises, sous la chemise, il y a la peau. Et là-haut, les oiseaux qui nous voient tout petits, si petits, tournent, tournent sur nous et crient au fou, au fou. Écoutez le monde en folie, vive la mort, vive la faim, pas un ne crie, vive la vie, nous sommes tous des assassins. Et là-haut, les oiseaux qui nous voient tout petits, si petits, tournent, tournent sur nous et crient au fou. Au fou, c'est toute la terre qui gronde, bonne saison pour les volcans, on va faire sauter le monde, ramponnez-vous, tout fout le camp. Et là-haut, les corbeaux qui nous voient tout petits, si petits, tournent comme des fous et crient à nous, à nous. La vie pourrait être si belle si l'on voulait vivre d'abord. Pourquoi se creuser la cervelle quand il y a du bon soleil dehors. Je vous voyais, ce n'est pas indiscret de le dire, Denis Crouzet, presque frissonner en écoutant cette chanson. Oui, parce que la chanson a une qualité prophétique en elle-même, à travers ses chemises qui peuvent parler des uniformes des SS. Chemise noire, chemise verte de Dorgère, etc. Voilà. Et Nostradamus a eu une vie pendant la Seconde Guerre mondiale. Les Allemands ont cherché des prophéties sur la destruction d'Albion. Ils en ont trouvé, puisqu'on peut tout trouver dans Nostradamus, il faut le dire simplement. Et il y a eu des tracts lancés sur les villes anglaises pour faire penser que l'Angleterre était vouée à être vaincue. Les Alliés ont répliqué en cherchant des annonces de la fin du Reich dans Nostradamus, et même propagande par voie aérienne ou aussi par voie de radio en utilisant Nostradamus. Donc Nostradamus est très polyvalent et voué à ressurgir chaque fois que l'homme rencontrera des angoisses collectives, c'est-à-dire probablement tout au long de l'histoire de l'humanité. Il est une sorte d'éternel nez de cire que l'on peut modeler en permanence comme on le veut. Comme le disait le documentaire tout à l'heure, les angoisses atomiques, la peur des épidémies aussi, qui est si prégnante dans notre contemporanéité. Parce que il est nourri d'une culture biblique, et que dans cette culture biblique, Dieu châtie les hommes par la peste, la guerre et la famine. Je crois qu'on ne peut pas comprendre Nostradamus si on n'isole pas les différentes données qui le font parler, et lui-même mime la parole de Dieu. Tout le secret, s'il y a un secret du discours prophétique de Nostradamus, c'est qu'il écrit une sorte de calque de la Bible. Et dans ce calque de la Bible, Dieu est toujours là pour signifier aux hommes par des signes qu'ils sont impurs, qu'ils sont injustes, qu'ils sont méchants, qu'ils s'éloignent de lui, et par là même, pour leur donner une chance de lui revenir. C'est un discours sacré. Nostradamus, prophète, que fait-il? Il n'annonce pas l'avenir. Il dit ce qui est, le mal. Là où il y a une sorte d'erreur de lecture qui caractérise aussi bien les historiens que toute la fantasmagorie, ce que j'appelle la sentine. Les historiens jusqu'à vous, Denis Crouzet, naturellement. Non. Mais Nostradamus, il mime la parole de Dieu en utilisant d'autres. Et alors, qui fait la même chose au même moment, ou un peu avant, c'est Rabelais. Oui, mais en quelque sorte en antinomie, parce que le sombre, c'est du côté de Nostradamus, le rire, c'est du côté de Rabelais. Je vois qu'il se moque des prévisions en disant « Cette année, les aveugles ne verront que bien peu, les sourds oiront assez mal, les muets ne parleront guère, les riches se porteront un peu mieux que les pauvres et les saints, au sens de santé, mieux que les malades. » Rabelais a écrit des pronostications qui sont des satires de l'astrologie, de ce que disaient ceux qu'il appelait les folles astrologues de Louvain. Lui-même est un médecin. On sait que tout le Gargantua est conçu comme une sorte d'annonce du retour du Christ. Et les études ont montré que, sous le rire, il parle du Christ. Pour Rabelais, rire, c'était appeler ses contemporains à se séparer de tous ceux qui amenaient le malheur par leur exclusivisme. Celui qui disait, comme on sait, que le rire est le propre de l'homme. Voilà. Donc actuellement, devant tant d'esprits chagrins, vous recommanderiez plutôt, comme une sorte de médicament pour l'esprit, un peu de lecture de Rabelais, si je vous comprends bien. Rabelais, certainement. Mais ce qu'il faut voir, c'est que l'autre médecin, Nostradamus, lui, utilise la terrorisation pour parvenir à la même fin. Il terrorise pour dire que l'humanité va vers le mal, est parcourue par le mal, exactement comme faisait Rabelais en riant d'Aumenaz, le mauvais pape, en riant de Picrocole, de guerre. Ils ont le même but, mais ils utilisent l'un le rire, l'autre la dramatique, la peur. Ce qu'on peut dire, c'est que néanmoins, dès cette époque-là, tout n'a pas été pris comme argent comptant. Il y a eu des critiques. Je vois ce magistrat démonologue qui, en 1610, s'appelle Pierre de Lancre, avait identifié vraiment très bien la propension des commentateurs de Nostradamus à lui faire dire, je cite, « ce à quoi il ne pensa jamais, appliquant ses vers ambigus aux événements et les contournant chacun selon son parti, son affection et son intérêt ». On ne saurait mieux dire. Et pour comprendre ce mécanisme, il faut tout de même qu'on entende un peu Nostradamus. Donc voilà une lecture de Quatrain de lui par Pascal Mazzotti dans le magazine Arcane 70 en mai 70. Les Quatrains de Nostradamus, les centuries de Nostradamus. Après, vous nous expliquerez, on en aura sûrement besoin, Denis Crouzet. Quid legent osce versu, mature censunto, profanum vulgus et incium ne attractato. Omnesque astrologi bleni, barbari procul sunto, qui aliter facit, is rite sacer esto. Ceux qui liront ces vers, qu'ils sachent seulement compter. Il n'est rien là qui puisse attirer le profane, l'ignorant, l'astrologue. Pour le reste, qui n'est point du nombre, ce n'est affaire que du sacré. Un empereur naîtra près d'Italie, qui à l'Empire sera vendu bien cher. Diront avec quels gens il se rallie, qu'on trouvera moins prince que boucher. La République misérable, infélice, sera vastée du nouveau magistrat. Leur grand amas de l'exil maléfice fera Suède ravir leur grand contrat. Alors, quel commentaire, Denis Crouzet ? On a des quatrains qui expriment vraiment la vision de Nostradamus au plus haut point. Son idée est que les grands, ceux qui jouent le premier rôle dans la vie humaine, ne font que le mal. Princes, chefs de guerre, ils sont des bouchers. Ils ne pensent qu'à faire le mal au peuple et c'est eux qui apportent le malheur sur terre. Ireux, dit-il, colérique, implacable, téméraire, audacieux, impudent, farouche, voleur, déprédateur, parjure, ravisseur, employant telle ou telle violence à l'endroit de leurs sujets, même dans l'antiparlementarisme qui fleurit parfois en France, on ne va jamais se porter jusqu'à ses extrémités. Voilà, c'est un. Chez Nostradamus, il y a ce qu'on peut appeler un augustinisme politique. Au sein de Saint-Augustin. Voilà, ceux qui nous gouvernent ne font que le mal. Quand il y a un bon gouvernant qui apparaît, il y a tout de suite un homme qui va comploter contre lui et prendre le pouvoir et corrompre la vie des hommes par ses meurtres, ses empoisonnements. C'est très oppressant comme discours puisque les centuries accumulent des exemples sans fin de cette humanité soumise à des hommes mauvais. Les gouvernants, les chefs de guerre, qui ne pensent qu'à la gloire, et alors que la gloire est fugace, et que de toute façon, ils finiront eux-mêmes par trouver leur propre châtiment. Bon, alors, on ne va pas trop donner cela à lire, même en latin. Vous avez compris, ce latin, c'est ce qu'il dit en latin. Alors, le texte en latin fait allusion à des astrologues qui ont remis en cause ses capacités. Vous parliez tout à l'heure du discours contre Nostradamus. Il y a eu, dès les années 1555, des anti-Nostradamus qui ont publié des livres, l'un pour dénoncer Monstre d'abus. Monstre d'abus, c'est un anagramme. Monstre d'abus. Certains soulignaient qu'il était un astrologue qui ne connaissait pas l'astrologie. Il utilisait un autre astrologue auquel il se référait pour ses supputations, Richard Roussat, dont il plagiait lui-même les conclusions. Et dans ce quatrain en latin, il se défend. Il dit qu'il est un homme qui a une parole sacrée, qu'on ne peut pas le mettre en cause. Et c'est intéressant parce que je crois que vraiment, il est avant tout, plus qu'un astrologue, un prophète, celui qui dit ce que Dieu veut que les hommes sachent, c'est-à-dire qu'ils sont pécheurs et qu'il faut qu'ils aillent ailleurs, qu'ils fassent conversion vers une vraie foi. Donc s'il y a un réenchantement du monde, soit dans notre vieille Europe occidentale ou ailleurs autour de la planète, ce sera un champ ouvert à nouveau à la prospérité de Nostradamus. Mais je m'arrête aussi, si vous voulez bien, sur les autres quatrains. Je ne sais pas s'il faut dire qu'ils sont en français, parce que c'est toujours assez difficile à saisir. Néanmoins, celui que nous vous avons donné à entendre concerne très directement, évidemment, aux yeux de ceux qui peuvent y croire, Napoléon Bonaparte. Tout de même, écoutons, un empereur naîtra près d'Italie, Napoléon Ier, ouais, qu'à l'Empire sera vendu bien cher, diront avec quels gens il se rallie, c'est probablement les militaires, dit-on, qu'on trouvera moins prince que boucher. Moins prince que boucher. Il a certainement été utilisé par la propagande anti-napoléonienne. Le boucher des champs de bataille du début du 19e siècle, c'est Napoléon, parce que il y a eu les deux. Là, le conflit a utilisé encore Nostradamus. Et si vous voulez, moi je pense que pour comprendre Nostradamus, justement, il faut essayer de s'abstraire de toute cette volonté d'identification et de le replacer dans les enjeux du XVIe siècle et dans ce qui est sa propre foi. Un homme qui est nourri d'Érasme. Qu'est-ce qu'Érasme a dénoncé ? C'est la guerre, la violence, les mauvais princes. Érasme a dénoncé la croyance en soi-même, la philosophie, comme on disait, l'amour de soi. Et Nostradamus, dans ce cadre, ne se place ni dans le camp papiste, catholique, ni dans le camp calviniste, non. C'est un homme, un évangélique, comme on disait, de l'entre-deux, qui était hostile et faisait tout pour que l'humanité n'aille pas vers le conflit qui s'est révélé être huit guerres civiles dans le royaume de France. Il écrit pour, comme Rabelais, rappeler que c'est en soi que l'on doit vivre la relation à Dieu et non pas dans la violence. Et c'est là que nous retrouvons, dans le cours de cette conversation sur Nostradamus, Denis Crouzet, le véritable intérêt en réalité du personnage. Point tellement celui qui prédit que celui qui explique, qui fait réfléchir à ce qu'est l'époque et qui cherche à convertir à une foi de l'intériorité qui permettra aux hommes de ne pas basculer dans les horreurs. L'accumulation des mots, en somme, peut être un éveil. Un peu comme Montaigne, dans ses essais, dit qu'il s'agit de reconnaître en nombre même et en la fable des théâtres, une apparence, une représentation, dirions-nous, la montre, l'expression, oui, des jeux magiques de l'humaine fortune. Des jeux magiques de l'humaine fortune. Humaine fortune. Nostradamus ne cesse, dans ses quatrains, de façon litanique, de montrer que l'homme, quoi qu'il fasse, est dominé par une force qui le dépasse, la fortune, le revolut fatum, c'est le terme qu'il emploie. Et dans ce cadre, tout ce qui vient de lui ne peut que l'entraîner vers le mal. Il ne doit avoir de repos que dans ce Christ des évangéliques français qui était un Christ de paix et non pas celui que tendait à armer catholiques et protestants. On ne peut pas comprendre Nostradamus si on ne cherche pas la clé de son discours dans cette foi du refus de la violence. Il était vraiment, je pense, un humaniste nourri de Marcel Ficin, d'Erasme, et à ceux qui peuvent comprendre ces textes, il donne une sorte de moyen de conversion. Et comprendre ces textes, c'est précisément comprendre qu'il n'y a pas de sens, que le seul sens que l'on doit avoir, c'est en Dieu. C'est de se mettre dans la confiance de l'amour rédempteur de Dieu. Ce sont des textes religieux. Des textes qui paraissent envelopper de tant de noirceur, qui sont si sombres, et qui en réalité, si je vous comprends bien, s'efforcent de conduire à une certaine lumière. Il s'agit de transférer, je pense qu'on peut dire ça, de la pulsion de violence physique en guerre des mots. Parce que finalement, si on lit ces textes, on se rend compte qu'ils ne donnent pas de sens. Ils ne permettent pas à l'homme d'exercer sa raison en décodant le sens. Et ils doivent l'amener à la conscience qu'il n'est rien face à Dieu, qu'il est non-savoir et que Dieu seul est le savoir. On est dans une dimension religieuse classique, je peux dire, du XVIe siècle, celle des évangéliques, de cet humanisme de paix auquel appartenait toute une série de personnages, dont Rabelais, Marguerite de Navarre, Lefèvre d'Étaples. Donc cela déplace évidemment complètement le regard sur Nostradamus et ses sentences abstruses et perplexes, et qui font le bonheur de toutes les interprétations d'aujourd'hui, qu'on peut lire de toutes les façons. Ce n'est pas cela qui vous intéresse le plus. C'est ce qu'ils nous apprennent sur une sensibilité d'un moment, sur une aspiration à mieux-être de l'humanité, tout oppressée qu'elle soit, par tant d'inquiétudes, oui, de douleurs angoissées. Parce que s'il décrit ce monde dévasté en permanence par le mal et le malheur, c'est pour que chacun se désengage en quelque sorte de ces pulsions de violence qu'il peut lire dans le passé, dans le présent, et qui peuvent submerger le futur. Ce sont des textes d'appel à la conversion, exactement comme Rabelais, comme les géants de Rabelais appellent à aller vers Dieu. En somme, si Nostradamus écrit sous figure nubileuse, au sens de nuage, c'est pour que la nubilosité s'empare du lecteur, que lui-même rencontre le culte et aille vers le mystère. Parce que dans une tradition, qui est la tradition héritée de Denis l'Aréopagite, Dieu est innommable, il est obscurité absolue, et c'est en se plongeant dans cette obscurité que le chrétien peut trouver la lumière. Donc, l'ordre des mots complètement désaxé, désarticulé de Nostradamus est un symbole même de ce que Dieu ne se rencontre que dans l'obscurité. Il ne devient lumière que si la créature elle-même humaine accepte qu'elle n'est rien, qu'elle n'est qu'obscurité et ténèbres pour, à ce moment-là, être investie de la lumière divine. Et par là, me semble-t-il, vous réinstallez Nostradamus dans la spécificité de son temps. Et vous le... vous l'arrachez, et tant pis pour le principe de concordance des temps, vous l'arrachez à ce qu'il peut y avoir d'éternel ou oui. d'une certaine façon d'actuel dans ce monde désenchanté où nous vivons. Il nous appelle, Nostradamus, à prendre garde contre l'anachronisme en histoire. Nous en sommes très soucieux ici, croyez-le bien. Mais Nostradamus est aussi intéressant parce que il y a cette réutilisation constante au gré des fantasmes d'angoisse, et il est certain que dans les temps actuels, il y a comme une sorte de flux nostradamien qui submerge Internet. Eh bien, nous allons revenir à ce flux pour finir, si vous voulez bien, parce qu'il faut faire entendre ce que Nostradamus aujourd'hui peut signifier, peut dire, peut-être à son grand âme posthume. Une autre archive pour finir. C'est une chronique de Jean Nocher, un personnage qui a eu beaucoup de succès par son éloquence et ses prises de position, disons, très marquées à droite et très, très, très déterminées en même temps à la radio dans les années 50 et 60. Cette chronique est du 11 novembre 1962 et s'appelle « En direct avec vous, prévision de Nostradamus ». On vient enfin de trouver la clé permettant de dater de façon précise les prédictions de Nostradamus grâce à la découverte de son testament écrit de sa main. Et l'on constate que pour 62, il a parfaitement prévu la fin de la guerre d'Algérie, le règne des fusées spatiales, la multiplication des expériences atomiques et l'utilisation des piles nucléaires. Cette clairvoyance rigoureuse nous engage à chercher ses pronostics pour 63. Je vous les livre en bloc sans aucune garantie. 63 est pour lui l'année cruciale de l'humanité. Il n'y aura pas de guerre. Ce sera même le commencement d'une grande réconciliation terrestre provoqué par les événements dont le ciel sera le théâtre. Il s'agit bien entendu de l'aventure cosmique. Une troisième force apparaîtra, européenne bien sûr, qui imposera la paix aux deux blocs et sera génératrice de prospérité, tandis que s'accélérera d'ailleurs la décadence des mœurs. Nostradamus considère que la France jouera un rôle essentiel dans cette partie européenne grâce à la stabilité de la Ve République. Il prévoit même le désarmement et une certaine démobilisation au profit de l'effort industriel, tandis que s'accentueront les crises de sous-production, notamment agricoles, en Russie, en Chine et dans toute l'Asie. Troubles graves en Afrique du Nord, notamment au Maroc et aussi en Espagne. Il vous sera sans doute agréable de savoir que, selon le plus célèbre mage de tous les temps, les Français ont une grandiose mission à remplir quant à la pacification de la Terre et quant à la conquête du ciel, et ce, en tant que guide de la troisième force, de 1962 à 2039. Je vous traduis fidèlement ces prophéties, à vous de juger, d'y croire ou de laisser tomber. C'est une question de libre foi, car de bons esprits scientifiques admettent à présent que l'avenir peut être partiellement prédit, puisqu'avec la relativité einsteinienne, la notion de temps n'a rien d'absolu ni même de réel dans la perception humaine. Des temps divers peuvent exister, s'accélérer ou se réduire, donc deux époques peuvent coexister, et l'on explique ainsi le phénomène des prophètes. Ils vivent dans plusieurs années, dans plusieurs siècles à la fois, à la manière du voyageur de Langevin qui, en un seul mois, voit vieillir la Terre de 50 ans. Chimère, direz-vous, mais ça marche très bien sur les particules étranges de l'atome dénommées mizon. Je ne vous souhaite tout de même pas de connaître trop tôt votre avenir. Vivez donc pleinement le présent. Je vous voyais un peu sidéré, Denis Crouzet, par ces propos de Jean Nocher, en particulier à la fin, qui est vraiment un dévergondage intellectuel. On a l'impression, quand on l'écoute, on se demande si on est dans le pastiche ou dans un discours réel, quelqu'un qui y croit. Qu'il y croyait. Il y croyait. On y voit une sorte d'ajustement, par respect pour sa noble mémoire. Oui, d'ajustement de Nostradamus à l'utopie gaulliste des années 1960. C'est absolument fascinant. Il y a la troisième force, et l'idée que l'Europe va jouer un rôle essentiel à la conquête de l'espace. Et la France comme force intermédiaire entre les blocs pour la paix du monde. C'est absolument fabuleux. Chacun vraiment investit ces écrits de Nostradamus de quelque chose qui est extérieur au centurie elle-même, ou au quatrain. Oui, et comme personne n'a non plus ou très rarement essayer de comprendre ces quatrains. Je veux dire que c'est ardu. Tout est possible. Et je voudrais juste revenir sur les quatrains de Nostradamus. Le projet a été de Nostradamus d'écrire 10 centuries comportant chacune 100 quatrains décasyllabiques. Chaque centurie sans quatrain, ça fait 1000 quatrains. 1000 quatrains. Et on peut se demander si on n'a pas là une des moyens de connaître le projet de Nostradamus, justement, parce que le chiffre 10 est, dans la symbolique que développe au début du XVIe siècle un des grands humanistes allemands, Cornelius Agrippa, le chiffre 10 est une évocation de la perfection. Plus que 12 autour beaucoup du Christ, plus que 7. Plus que 7. Et donc, le millière est la perfection absolue. Il est fort possible que Nostradamus ait justement conçu cette construction, qu'il met plusieurs années à conduire à terme, et conçu cette perfection justement sur un plan mystique. Il s'agissait de regrouper dans ces 1000 quatrains les secrets du Christ, un discours initiant au Christ. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que Nostradamus ne s'est pas contenté, dans le cadre prophétique, de ces centuries. Chaque année, il mettait à la disposition du public un livret de pronostication ou un almanach ou une interprétation de telle comète dans le ciel. Les premiers quatrains se trouvent dans les premiers almanachs, à partir de 1550, chaque mois comportait un quatrain qui devait donner à interpréter ce que ce mois allait signifier pour les hommes. C'est donc un corpus très important, plus important même que l'on le sait. Outre le texte dont on a parlé tout à l'heure, le traité des phares auquel est joint le traité des confitures, il a aussi traduit un des grands textes de l'hermétisme, qu'est l'Horus Apollon, qui devait permettre aux hommes de connaître les secrets des anciens Égyptiens. Cela dit, avec toutes ces précautions pour restituer tout cet effort, si remarquable pour restituer Nostradamus à son temps, je crois que vous n'arriverez pas, Denis Crouzet, à empêcher qu'il puisse servir pendant très longtemps encore à toutes les prévisions, toutes les interprétations. Le grand Georges Dumézil avait consacré un livre à la fin de sa vie à un quatrain concernant la fuite à Varennes, et le moine noir en gris entra dedans Varennes. C'est un livre de 1984. On n'a jamais tout à fait su si c'était sincère ou si c'était un canular. On ne le sait pas. Ce que l'on sait, c'est que l'interprétation est relative à la fuite de la famille royale et fausse, puisque on a repéré depuis que Nostradamus utilisait le guide des chemins de France, et donc que le Varennes en question n'est pas du tout là où Louis XVI et Marie-Antoinette ont été arrêtés. Allons, bon, tant pis, on va terminer sur cette note terriblement positiviste, Denis Crouzet. Je vous remercie. Votre beau livre sur lequel nous avons fondé notre conversation s'appelle Nostradamus, une médecine des âmes à la Renaissance, et vient de paraître aux éditions Payot. Je rappelle un autre ouvrage dont nous avions débattu, je crois, un jour dans le cadre des rendez-vous de l'histoire de Blois, La violence au temps des troubles de religion, vers 1525, vers 1610. Publié par Champvallon en 1990 et qui a été réédité en 2005 et en 2008 dans la collection des classiques de Champvallon. Je signale aussi le très savoureux traité des confitures de Nostradamus dont j'ai parlé chemin faisant, qui a été adapté en français moderne et présenté par Jean-François Costa-Téphen chez Imago en 2006. Vous savez que vous pouvez retrouver toutes ces informations et les références et des documents sonores que nous avons utilisés sur notre site de Concordance des Temps, en allant sur le site internet de France Culture. Et vous pourrez également y réécouter cette émission, la télécharger si vous le souhaitez, nous le souhaitons en tout cas, réagir en ligne. C'était Concordance des Temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, réalisée par Patrick Molinier, avec Meryl Moneghetti, avec Jeanne Guéroux, Jérôme Bonnetin à la discothèque, Yanis Djoudad à la prise de son, et pour les archivinas, Catherine Louis. La semaine prochaine, nous nous retrouverons autour de l'émission pour laquelle j'avais invité Judith Reynorn, et qui s'intitulait « La peinture au plomb, histoire d'un poison », diffusée le 15 juin 2019.